Travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. La démocratie sociale et justice en France aujourd'hui, c'est le thème de notre émission. Françoise Maréchal, vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'efficacité de la justice ? Ah mais alors moi je suis aussi complètement et entièrement favorable à la médiation. Donc, c'est pas bien. Voilà, j'ai créé un centre de médiation il y a plus de 10 ans à CCI de Bayonne. Et évidemment pour les conflits non seulement commerciaux mais aussi familiaux, successoraux, etc. Là aujourd'hui je pense qu'on parle beaucoup de dialogue et ce, évidemment mon domaine d'activité aujourd'hui est plutôt le droit du travail, donc le dialogue social. Et on voit que malheureusement tous les décrets, les arrêtés, les ordonnances qui ont été prises pendant la crise, en fait, le mettent à mal, puisque, on le sait, hein, par exemple, pour ce qui est expertise au niveau du CSE dans les informations consultation, les délais ont été réduits à peau de chagrin. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi, justement. Et d'ailleurs, le SAF, le syndicat des avocats de France, enfin voilà, nous sommes, c'est aussi porté. Partie donc dans cette affaire parce que justement le fait de réduire des délais qui permettent le dialogue social au sein de l'entreprise entre les élus du personnel et la direction pour pouvoir prendre les bonnes décisions en matière de santé et de sécurité, par exemple, pour la reprise, eh bien, ça n'est pas tout à fait positif. Donc, nous espérons, en tout cas, moi, j'espère, que ce dialogue que nous souhaitons tous, en tout cas pour les personnes qui vraiment souhaitent concourir à la justice, que ce dialogue, qu'il soit à l'intérieur d'une famille, d'une entreprise, entre associés et, évidemment, entre salariés, élus du personnel et direction, se poursuive réellement et de bonne foi et dans de bonnes conditions.